L'indispensable, le guide de l'immobilier responsable, tout ce que vous devez savoir sur l'investissement à impact social et inclusif par Optimisme 23.